La haine rime avec la souffrance, comme avec chaque être humain. Mes pleurs sont une récompense, car ils ont du sang sur les mains. Ceux qui ont le pouvoir ont du sang sur les mains, sur les mains. Ceux qui se disent capitalistes ont du sang, sur les mains. Ceux qui vendent des armes ont du sang, sur les mains. Ceux qui approuvent le système ont du sang, sur les mains. Ceux qui cautionnent les médias ont du sang, sur les mains. Qui achètent le made in Taiwan a du sang sur les mains. Ceux qui achètent de la cam ont du sang sur les mains. Ceux d'accord avec l'église ont du sang sur les mains. Ceux qui créent des guerres ont du sang sur les mains. Toutes les multinationales ont du sang sur les mains. La République de France a du sang sur les mains. Tous les colonisateurs ont du sang sur les mains. Ceux qui ont voté Sarkozy ont du sang sur les mains. Ceux qui ignorent le contexte ont du sang sur les mains. Ceux qui approuvent ce texte ont du sang sur les mains. Ceux qui nous prennent pour des chiens ont du sang sur les mains. Si tu es un être humain, tu as du sang sur les mains. Si tu as du sang sur les mains, c'est que tu n'es rien.